Chapitre 5e, Marchmont Towers. L'intermède a duré 3 ans et demi et le rideau se lève pour montrer un tableau tout à fait différent. Le tableau d'une superbe résidence dans le pays plat de Lincolnshire. La maison se dresse majestueusement en avant d'un bois sombre qui forme l'arrière-plan. Il est supporté de chaque côté par une tour octogone dont la maçonnerie solide est à moitié cachée par le lierre qui l'enlace et se balance contre les étroites fenêtres au moindre souffle du vent. Une large terrasse dallée s'étend sur toute la longueur de la façade imposante, d'un bout à l'autre, et 3 grands escaliers mènent de cette terrasse à la vaste pelouse qui va se confondre avec une immense prairie dont l'uniformité n'est rompue que par quelques arbres et une mare de noirâtre, mais qu'on appelle un parc par courtoisie. 2 huttes de griffons en pierre se dressent à tous les repos d'escalier, et des têtes de griffons et autres monstruosités architecturales effacées et couvertes de mousse, placées en sentinelle sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque arche, chaque abou, semblent menacer et défier le hardi visiteur qui ose approcher de la maison par ce côté formidable où se trouve la grande entrée. La façade de la maison est tournée vers l'occident, mais on y pénètre encore par une arche située sur le côté sud qui donne accès dans un quadrangle où est une petite porte surmontée d'un portique en pierre recouvert de lierre comme le reste du bâtiment. Cette petite porte en chêne massif est bardée de lames de fer rouillées et est généralement affectée à l'usage des visiteurs habituels de la maison. Cette résidence a nom Marchmont Towers. Le vaste bâtiment avait été jadis un monastère à l'époque où l'Angleterre et le pape étaient amis et alliés. Sa Majesté très chrétienne, le roi Henri VIII, de bienheureuse mémoire, en fit don à Hugh Marchmont, qu'il nomma gentleman, et ce gentleman roturier y dépensa beaucoup d'argent pour l'agrandir et la restaurer. Marchmont Towers est réellement une demeure princière, mais ce n'est pas précisément le genre d'habitation que l'on choisirait entre 1000 autres pour y transporter ses pénates. La grande maison est un peu trop lugubre dans sa grandeur solitaire. Elle n'est pas abritée contre les vents froids qui se déchaînent l'hiver sur la plaine. L'ombrage lui manque quand le soleil darde l'été ses chauds rayons sur toutes les vitres. Elle est en tout temps un peu trop massive dans son ensemble et son aspect réveille le souvenir désagréable de tous les contes fantastiques et effrayants enfouis dans la mémoire. L'étranger qui voit Marchmont Towers pour la première fois songe malgré lui aux anciens enchanteurs, aux sombres légendes allemandes, aux bizarres fantaisies écossaises, à la démonologie du Moyen-Âge et à d'étranges histoires de meurtres, de violence, de mystère et d'iniquité. Il est certain que ces sentiments-là s'émoussent à la longue. La force de l'habitude est tellement invincible que nous parviendrions à nous trouver à notre aise dans le château d'Otrante après un séjour convenable dans ses murs mystérieux. La familiarité engendrerait le mépris pour le casque de géant et autres terribles apparitions de la demeure hantée. Les besoins ignobles et vulgaires de la vie matérielle amèneraient le désenchantement. Le fantôme et le garçon boucher ne peuvent exister en même temps, et l'ombre vengeresse ne pourra que difficilement continuer à fréquenter le portail que visite le laitier matinal. C'est en effet là, je crois, la raison pour laquelle l'esprit le plus impatient qui soupire après une vengeance immédiate attendra pour se montrer que les ombres de la nuit soient descendues sur la terre. En venant le jour, il courrait le risque d'une ignominieuse rencontre avec le facteur ou la servante. Quoi qu'il en soit, les fantômes de Marchmont Towers n'étaient pas gênants. Il se peut qu'ils parcourussent les longs corridors à tapisserie, les chambres inoccupées et le grand escalier noir en chêne brillant. Il se peut que tous les Marchmont du passé, femmes, soldats, hommes de loi, prêtres et simples squires campagnards, descendissent du mur où leur portrait était accroché, éteignent un sabbat de sorciers. Mais comme les domestiques de Lincolnshire avaient bon appétit et le sommeil dur, les esprits n'étaient dérangés par personne. Je crois qu'il y avait quelques vilaines histoires attachées à la maison. L'histoire d'un Marchmont du temps de Charles Ier qui avait tué son cocher dans un accès de rage insensé, et on affirmait même, sur l'autorité d'une vieille femme de charge, que la grand-mère de John Marchmont, à l'époque où elle était jeune et venait d'arriver à la maison après son mariage, avait vu entrer dans sa chambre le fantôme du cocher pâle et sanglant à la faible lueur du crépuscule d'été. Mais cette histoire était fort peu remarquable et ne possédait aucun des éléments qui assurent la popularité tels que l'amour, la jalousie, la vengeance, le mystère, la jeunesse et la beauté. Elle n'avait jamais fait grand bruit au dehors. Je me figure que le nouveau maître de Marchmont Towers, son installation, avait un mois de date, était le dernier homme de la chrétienté qui fut capable de se montrer trop difficile et de se forger des idées défavorables à sa demeure, car il était venu tout droit d'un pauvre logement de la banlieue à cette splendide résidence de Lincolnshire, et comme il avait en même temps échangé son salaire de 30 shillings par semaine contre un revenu de 11 000 livres par an, fourni par des terres et des fermes qui s'étendaient jusqu'au bord de la mer, il était tout disposé à être reconnaissant vers la Providence et content de son nouveau séjour. Oui, Philip Marchmont, le veuf sans enfant, était mort 6 mois auparavant, vers la fin de l'année 1843, du chagrin que lui avait causé la perte de son fils unique, après la mort duquel, disaient ses vieux domestiques, on ne l'avait plus jamais vu rire. Il était un de ces hommes peu démonstratifs qui subissent un grand malheur avec calme et ne font qu'en mourir. Philip Marchmont dormait du sommeil de la mort dans un cercueil recouvert en velours, au-dessus de celui de son fils, dans un enfoncement en pierre creusé exprès pour eux au milieu du caveau des Marchmont, sous l'église de Kemberling, à 3 miles des Towers, et John régnait à sa place. John Marchmont, le comparse, le porteur de bannière de Drury Lane, le clerc patient et consciencieux de Lincoln's Inn, était maintenant seul maître du domaine de Lincolnshire, seul roi d'une foule de domestiques bien dressés et seul propriétaire d'un assez grand nombre, pour un gentleman campagnard, de chevaux, de chars, de barouches, de phaétons et autres véhicules, un peu arriérés peut-être, mais très commode quand même pour un homme qui avait longtemps envisagé une course en omnibus comme un plaisir et une chose rare. Rien n'avait été touché ou dérangé depuis la mort de Philip Marchmont. Les appartements qu'il avait occupés servaient toujours, ceux qu'il avait fait fermer l'étaient encore. Les serviteurs qui lui avaient obéi obéissaient à son successeur, qu'il déclarait être un gentleman paisible, facile et beaucoup trop sage pour vouloir en remontrer à de vieux domestiques, qui connaissaient tous la maison bien mieux que lui, quoi qu'il en fût le maître. Il n'y avait donc pas l'ombre d'un changement dans la superbe demeure. La cloche du dîner retentissait toujours à la même heure, les mêmes fournisseurs apportaient les mêmes marchandises à la porte basse en chêne. La vieille femme de charge, arrangeant son simple menu, ordonnait les mêmes potages, rôtis, plats sucrés et fantaisies qu'elle avait commandés par le passé et n'avait pas de nouveau goût à consulter. Un valet à cheveux gris qui avait été le valet de Philippe était maintenant celui de John. La voiture qui avait conduit l'ancien maître à Kemberling pour assister chaque dimanche aux offices du matin et du soir conduisit le nouveau maître qui s'assit à la place qu'avait occupée son prédécesseur dans le grand banc de famille et lut ses prières dans le même livre, un beau volume recouvert en maroquin rouge, dans lequel se trouvaient des oraisons pour George, notre très gracieux souverain et roi, et une foule de princesses et de princes depuis longtemps morts et enterrés. La présence de Mary Marchmont fut le seul changement dans la vieille demeure, et encore ce changement fut-il presque insignifiant. Mary et son père furent tout aussi unis à Marchmont Towers qu'ils l'avaient été dans Oakley Street. La petite fille s'attacha à son père aussi tendrement que jamais, peut-être même plus tendrement encore, car elle savait en partie ce qu'avaient dit les médecins, et comprenait que le bail passé par John Marchmont avec la vie n'était pas bien long. Peut-être vaudrait-il mieux de dire qu'il n'avait pas de bail du tout. Son âme était comme une propriété en souffrance dans sa frêle enveloppe d'argile, et recevait de temps en temps un sursis lorsqu'elle était sur le point de s'envoler au moindre souffle du vent. Il n'y avait que ceux qui connaissaient intimement John Marchmont qui étaient à même d'apprécier le danger. Il n'offrait plus à l'œil aucun de ces signes extérieurs de dépérissement que la fatigue et les privations avaient jadis rendu visibles. La rougeur fiévreuse des joues et l'éclat surnaturel des yeux avaient disparu. John semblait même beaucoup plus fort et plus animé qu'autrefois. Et les grands praticiens de la médecine ont seuls le talent de savoir ce qui se passe dans l'intérieur d'un homme quand il n'a dans son extérieur rien qui frappe les regards de ceux qui ne sont pas du métier. Mais John allait décidément beaucoup mieux. Il pouvait peut-être avoir encore 3, 5, 7 et même 10 ans de vie, mais il fallait qu'il vécût un homme qui se tient constamment en garde contre la mort et qui, dans chaque courant d'air, dans l'humidité, la chaleur, la fatigue, un dîner mal choisi, une émotion trop violente, une colère soudaine, reconnaît une insidieuse attaque de son mortel ennemi. Mary Marchmont savait tout cela. On le devinait peut-être plus tôt qu'elle ne le savait, à l'aide de ce talent subtil de divination qu'une femme enfant possède à un plus haut degré que la femme faite, car son père avait fait son possible pour lui cacher cette désolante vérité. Elle savait qu'il était en danger, et elle l'aimait bien plus tendrement encore parce qu'elle était à chaque instant menacée de le perdre. L'amour de l'enfant pour son père n'avait rien perdu de son intensité morbide depuis le départ pour l'Inde d'Edward Arundel, et Mary n'était pas devenue plus enfant à Marchmont Towers, bien qu'elle n'eût plus ses soucis sordides, ses pitoyables occupations de chaque jour qui avaient fait d'elle une femme. Il est même possible que ce qui subsistait en elle d'enfantin eût été chassé par la réalisation de ce rêve qu'elle faisait tout éveillée en parcourant les rues sombres qui avoisinaient Oakley Street. Marchmont Towers, ce palais magique, dont les fenêtres resplendissantes de lumière lui étaient apparues dans sa pauvreté et ses chagrins, comme le château enchanté qui se dresse devant les voyageurs égarés dans les contes d'enfants, était maintenant la demeure du père qu'elle aimait. Le vilain enchanteur, la mort, qui est le seul magicien de nos histoires modernes, avait levé sa main décharnée bien plus puissante que la baguette en pierre précieuse de n'importe quelle fée, et les obstacles qui se dressaient entre John Marchmont et l'héritage avaient été renversés. Mais Marchmont Towers était-il aussi beau que le palais qu'avait rêvé Mary? Non, pas tout à fait. Les appartements étaient beaux, plus beaux et plus grands même que ceux qu'elle s'était figurés, mais ils n'en valaient pas mieux pour cela. Ils étaient grands, magiques et sombres, mais ils ne ressemblaient pas aux chambres éclairées par le soleil, que son imagination avait construites et décorées avec toute la splendeur dont son peu d'expérience lui avait fourni l'idée. Ce fut presque un désappointement pour Miss Marchmont de voir que toutes les salles étaient complètement meublées et qu'il ne restait pas de place pour aucune de ces belles choses qu'elle avait si souvent contemplées dans Newcott. Le perroquet de l'épicier était un oiseau vulgaire et pas du tout admiré dans le Lincolnshire. Elle ne put emmener avec elle et faire prospérer ses fournisseurs favoris, et John Marchmont ne voulut pas consentir à l'adoption de la fille du boucher. Il faut toujours en rabattre plus ou moins, même quand nos visions les plus brillantes se réalisent. Il y a toujours un chiffre, important peut-être, qui manque dans le total complet de notre bonheur terrestre. Je ne suis pas éloigné de croire que si Al-Nashar eût épousé la fille du vizir, il l'aurait trouvée femme acariâtre et aurait volontiers songé au temps de sa misère, où il n'y avait pour vivre que sa profession de marchand ambulant de vaisselle en terre cuite. Si donc Mary Marchmont trouva que ses rêves d'autrefois n'étaient pas tout à fait réalisés par la grande maison en pierre qui s'élevait dans ce pays marécageux, par les prairies sans fin et non accidentées, la mare noire et ses saules pleureurs, dont la vilaine image reproduite par les eaux dormantes ressemblait à des ombres d'hommes bossus. Si tous ces objets ne formaient pas un aussi beau tableau que celui que la petite fille avait si longtemps contemplé en idée, elle n'avait pas non plus de motif pour se plaindre que les autres mortels et sa folie n'étaient pas plus grandes que celle de tant d'autres rêveurs. Je crois que ces châteaux en Espagne avaient été bâtis un peu trop exactement sur le modèle d'une dernière scène de pantomime, et qu'elle s'attendait à trouver à Marchmont Towers des cascades, des jets d'eau, des fleurs toujours épanouies et des nuages dorés en gaz couleur de rose. Bref, toutes sortes de choses, excepté les fées. Le rêve fit place à la réalité, et elle devint alors vraiment femme, et très reconnaissante envers la Providence, en se disant que son père n'avait plus besoin de travailler pour vivre, qu'il était somptueusement logé, et qu'il n'avait qu'à faire un signe pour que les meilleurs médecins du pays fussent à ses ordres. « Oh, papa, c'est si gentil d'être riche !» s'écriait de temps en temps la jeune fille dans un transport d'enthousiasme. « Comme nous allons être bons pour les pauvres gens, en nous rappelant combien nous avons été pauvres nous-mêmes !» Et la petite fille n'oublia pas d'être bonne pour les pauvres des environs de Camberling et de Marchmont Towers. Les malheureux ne manquaient pas, cela va sans dire. De nombreux pensionnaires vinrent de tous côtés aux Towers chercher du brandy, du vin, du lait, des étoffes en laine et des épiceries, à peu près comme ils seraient allés dans une boutique, avec cette différence toutefois qu'ils n'eurent pas d'argent à donner. La femme de charge donna pleine main en débitant de nombreuses et courtes homélies sur la dépravation et l'ingratitude de ceux qu'elle secourait, et adressa au pauvre pétitionnaire des questions et des réflexions terribles qui révélèrent en elle une nature menaçante. Tantôt elle leur disait « Où allez-vous? Pourquoi êtes-vous si mauvais? Vous repentirez-vous? Que deviendrez-vous ?» Tantôt elle leur disait « Réfléchissez! Arrêtez-vous tandis qu'il en est encore temps! Pêcheurs, songez à vos fautes! Méchants, prenez garde !» Peut-être, n'est-ce pas la meilleure des méthodes de réformation que celle qui commence par effrayer, menacer, ou tout au moins décourager les gens à réformer? Il y a un certain sermon dans le Nouveau Testament qui contient des paroles sacrées et consolantes, prononcées sur une montagne tout près de Jérusalem et adressées à un auditoire dans les rangs duquel devaient figurer bon nombre de pêcheurs et de pécheresses. Mais ce sublime discours bénit plus qu'il ne maudit, et celui qui parle a plutôt l'air d'un père faisant de douces remontrances à des enfants égarés que d'une divinité offensée qui menace un peuple entêté et réfractaire. Mais les auteurs des traités où figurent les menaces employées par la femme de charge n'ont jamais lu ce sermon peut-être, et empruntent sans doute leurs idées au service très rassurant qui se lit le mercredi des cendres, pendant que les assistants tremblent de peur et appellent la malédiction du ciel sur leur tête et celle de leurs voisins. Quoi qu'il en soit, l'éloquence de la femme de charge n'était pas très goûtée des pensionnaires de Marchmont Towers. Ils auraient beaucoup mieux écouté Marie leur faisant la lecture d'un chapitre du Nouveau Testament, ou leur racontant quelques jolies histoires patriarcales toutes parfumées d'obéissance et de foi primitive. La petite fille discourait sur l'histoire sainte d'une manière simple et tout à fait inconnue, et plus d'un robuste laboureur du Lincolnshire trouvait du charme à s'asseoir au coin de son feu, la pipe à la bouche et un pot de bière à côté de lui, pendant que Miss Marchmont lui lisait et lui expliquait l'histoire d'Abraham et d'Isaac ou de Joseph et de ses frères. C'est comme si on lisait un livre d'histoire que de l'écouter. Disait ensuite le laboureur à sa femme, et elle vous fait tout toucher du doigt par-dessus le marché. Si elle fait une lecture sur Abraham, elle vous dira, « C'est comme vous qui avez donné votre fils pour en faire un soldat, vous savez, Mr. Moggins. » Elle dit toujours, « Mr. Moggins, vous l'avez remis entre les mains de Dieu avec la certitude qu'il prendrait soin de lui, et que tout ce qui lui arrivera sera pour le mieux, quand même ce sera la mort. » Voilà ce qu'elle ajoute. La charmante petite enfant au bon cœur compatissant, le plus méchant des hommes ne pourrait s'empêcher de l'écouter. La nature sensitive de Marie Marchmont la rendait propre à tous les bons offices de la charité. Jamais aucune de ses simples paroles ne blessait ceux qui l'écoutaient. L'extrême susceptibilité de ses sentiments lui faisait deviner ceux des autres. L'entourage de la pauvreté n'avait pas rabaissé ses idées, car son naturel contenu en lui-même ne subissait pas l'empire des objets extérieurs. Il n'était à Marchmont Towers que ce qu'elle avait toujours été depuis l'âge de 6 ans, une petite lady grave et douce, digne, discrète et sage. Il manquait une figure brillante au tableau qu'elle s'était fait dans les dernières années de la résidence de Lincolnshire, et cette figure était celle du jeune homme aux cheveux blonds qui avait déjeuné avec des merluches et des petits pains dans Oakley Street. Elle s'était imaginé qu'Edward Arundel habiterait son bel Eldorado. Il vivrait avec eux, ou si cela ne lui était pas possible, il serait à Marchmont en visiteur, souvent, presque toujours. Il renoncerait à sa profession de soldat, car son papa pouvait lui donner beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagnait au service de son pays. Vous voyez que l'expérience de la pauvreté avait appris à Marie à envisager la vie militaire sous un point de vue étroit, et il passerait son temps, dans le Lincolnshire, à monter à cheval, à se promener en voiture, à jouer à la pomme. Elle se demandait ce que c'était que ce jeu de pomme, et à lire des romans en 3 volumes depuis le matin jusqu'au soir. Mais cette partie de son rêve ne se réalisa pas. Marchmont Towers devint la demeure de Marie, mais le jeune soldat était dans des contrées lointaines, dans la passe de Bolan peut-être. Marie avait presque toujours devant les yeux un tableau, fruit de son imagination, qui représentait ce terrible défilé rocheux, ou bien dans les jungles, où des tigres affamés le guettaient au passage. Peut-être se mourrait-il de soif et de fièvre sous le soleil brûlant, n'ayant pour tout oreiller que le coup d'un chameau mort et pour garde malade que le vautour impatient qui battait des ailes au-dessus de sa tête en attendant qu'il fût mort lui aussi. À quoi servait donc la fortune, puisqu'elle ne pouvait ramener le jeune soldat dans sa patrie et lui offrir un asile où rien ne lui manquerait? John Marchmont sourit, quand sa fille lui adressa cette question et le supplia d'écrire à Edward Arundel qu'il eût à revenir en Angleterre. Dieu sait combien je serais content que le jeune homme fût ici poli, répondit John en serrant la petite fille contre son cœur. Elle était assise sur les genoux de son père, quoiqu'elle eût 13 ans. Mais Edward a une carrière à poursuivre, ma chère, et ne peut l'abandonner pour venir mener une vie sans gloire dans notre vieille maison. Ce n'est pas comme si je pouvais lui offrir quelque compensation pour cela, tu sais, Polly. Ce n'est pas possible, car je ne dois laisser ma fortune qu'à mon enfant. Mais pourquoi n'en aurait-il pas la moitié, papa, ou même la totalité? Ajouta Marie d'un ton piteux. Que ferais-je de tout cet argent? Elle n'acheva pas la phrase. Il lui était impossible de compléter toute pensée pareille à celle-ci, mais son père comprit ce qu'elle voulait dire. 6 mois s'étaient donc écoulés depuis la sombre journée de janvier où John Marchmont avait lu dans la seconde colonne du Times qu'il apprendrait quelque chose d'avantageux pour lui en s'adressant à certains avoués dont l'étude était porte à porte avec celle de Messieurs Paulette et Mathewson. Son cœur battit avec violence quand il lut cette annonce dans le supplément qu'il était de son devoir de sécher devant le feu du cabinet d'éclairs, mais il ne donna pas d'autre signe d'émotion. Il attendit le moment où il portait les journaux à son patron, et en les plaçant à côté de M. Mathewson, il demanda respectueusement l'autorisation de s'absenter une demi-heure pour affaires particulières. « Bonté divine, Marchmont, s'écria l'avoué, que pouvez-vous avoir à faire à pareille heure de la matinée? Vous ne faites que d'arriver et il y a un contrat entre Higgs et Sandyman qui doit être copié avant que... Je sais cela, monsieur. Je serai de retour assez à temps, mais je... Je crois que j'hérite d'une fortune, monsieur. » « Je ne serais pas fâché de savoir tout de suite à quoi m'en tenir. » L'avoué fit volte-face dans son fauteuil roulant et regarda son clerc avec effroi. Ce Marchman, toujours si réservé et si excentrique, était-il devenu fou tout d'un coup? Non. L'expéditionnaire se tenait à côté de lui, grave et calme comme d'habitude, et désignait du doigt l'annonce du journal. « Marchman, John, passé chez Messieurs Tyndall et Trollham ?» scanda M. Mathewson. « Voulez-vous me faire croire que c'est vous ?»« Oui, monsieur. »« Diable, mais je vous accompagne alors !» dit l'avoué, passant son bras sous celui de son clerc, saisissant son chapeau accroché quelque part et s'élançant vers l'escalier avant que John Marchmont eût le temps de se reconnaître. John n'avait pas trompé son patron. Marchmont Towers lui appartenait avec toutes ses dépendances. Messieurs Paulette et Mathewson se chargèrent de faire valoir ses droits au grand chagrin de Messieurs Tyndall et Trollham, éprouvèrent son identité en moins d'une semaine. Sur l'étagère, au-dessus du pupitre où John avait copié des rôles d'une main tremblante, apparurent deux cartons tout neufs, portant en lettres blanches le nom et l'adresse de John Marchmont, Esquire, Marchmont Towers. Le brusque changement de fortune du clerc expéditionnaire devint le sujet de conversation de tous les employés de Lincoln's Inn Fields. Marchmont Towers ne tarda pas à comprendre tout le Lincolnshire et même une bande de terrain dans le Yorkshire. Les 11 000 livres par an grossirent peu à peu jusqu'à 1 000 000. Tout le monde compta sur des largesses de la part du légataire. Chacun proclama qu'il avait beaucoup aimé l'expéditionnaire et que si, pendant qu'il était pauvre, les bons sentiments vers lui ne s'étaient pas fait jour, ça avait été pour ne pas le blesser, car John était fier et susceptible, cela sautait aux yeux. Maintenant qu'il était riche, il n'y avait plus à se gêner. Il va sans dire qu'en pareille circonstance, John ne pouvait que difficilement contenter tout le monde. Aussi, n'est-ce pas dire grand-chose que d'avouer que le dîner donné par lui, à la suggestion de ses anciens patrons, il n'aurait jamais songé lui-même à donner un dîner à Albion Tavern, à tout l'état-major de Messieurs Paulette et Mathewson et aux clercs de sa profession, qui s'invitèrent eux-mêmes, n'eut pas le moindre succès, et que des gentlemen qui dînaient d'habitude avec du foie et du lard, ou un beefsteak aux oignons, ou encore avec des légumes, du pain, du fromage et du céleri, le tout pour un shilling, firent les dégoûtés en présence du turbo, trouvèrent la soupe trop maigre, traitèrent dédaigneusement le mulet rouge et les ortolans, et déclarèrent que les truffes n'avaient pas de parfum et que les vins manquaient de bouquets. John ne savait rien de tout cela. Il avait mené une existence solitaire et sa seule pensée maintenant était d'arriver à Marchmont Towers, qu'il avait visité bien souvent dans sa jeunesse, alors qu'il allait y voir son grand-père. Il lui tardait de fuir le bruit et la confusion de la grande cité, où il avait tant souffert et d'emmener sa petite fille dans la paisible résidence de Lincolnshire pour y vivre et y mourir en paix. Il récompensa généreusement toutes les bonnes gens de Oakley Street qui avaient montré de l'affection à Marie, il y eut des pleurs et des gémissements chez la marchande à la toilette, quand M. Marchmont et sa fille s'éloignèrent par une froide matinée d'hiver dans un cab qui devait les conduire à l'hôtellerie d'où partait la diligence de Lincoln. Ces choses étranges que de penser jusqu'à quel point ces jours de privation et de misère passés dans Oak Street se sont enfuis dans la mémoire du père et de la fille. Le passé impalpable s'efface, et il est difficile à John et à Mary de croire qu'ils ont été autrefois si pauvres et si abandonnés. C'est Oak Street qui rentre maintenant dans le domaine de la fantasmagorie et des visions. Les familles nobles du comté arrivent à Marchmont Towers dans de grandes voitures à panneaux armoriés que conduisent des cochers taciturnes en perruques poudrées. Les mamans caressent Miss Marchmont et font son éloge. Quel beau parti elle sera plus tard pour l'un des enfants du comté. Et leur fille cause avec Mary de ses parures, de ses broderies et de son piano. Elle ne fait pas des progrès bien rapides sur le piano, la pauvre petite fille, quoiqu'elle ait pour maître de musique l'organiste de Swampington, qui donne des leçons dans cette partie du comté. Il y a de temps en temps à Marchmont Towers des dîners solennels, des dîners où Mary ne paraît que quand on a desservi, et qui la font réfléchir en silence sur le changement survenu dans l'existence de son père et la sienne. Est-il bien vrai qu'elle ait jamais vécu dans Oakley Street, où ne venait pour tout visiteur aristocratique que sa tante Sophie, qui était la femme d'un fermier du Berkshire, et qui apportait toujours à son beau-frère du pudding, du beurre, du pain cuit à la maison et autres cadeaux rustiques, et Mrs. Brixham, la blanchisseuse, qui emportait tous les lundis matins les chemises usées et sales de John Marchmont. Les chemises n'étaient plus usées maintenant, et ce n'était plus Mary qui en avait soin, et qui raccommodait les cols et les manches éraillées, ou les boutonnières déformées. Corson, le valet de chambre de M. Marchmont, s'occupait de tout cela, et John portait des épingles en diamant et un gilet en satin noir quand il donnait un dîner. Il n'était pas bien gai, ces dîners du Lincolnshire, quoique le dessert valût aux yeux de Mary la peine d'être regardé. La longue table chancelante, la porcelaine de Chine, rouge, dorée, pourpre, verte, les verres brillants, le gingembre bien conservé, les confitures, les tranches d'orange sèche et les sucreries habituelles, formaient à coup sûr un ensemble superbe, mais Mary avait vu dans Oakley Street des desserts bien plus riants, quoiqu'ils ne fussent composés que de quelques oranges de Westminster Road dans un sac en papier brun et d'une bouteille de Marsala à 2 shillings achetée chez un marchand patenté du faubourg.